L'actualité à Nancy et ailleurs. En cette rentrée de septembre, les Baladins nous proposent deux nouveaux rendez-vous. Ça commencera le jeudi 28 septembre avec une conférence musicale qui sera donc en préambule du concert de Baboche dans de Beaudrac qui aura lieu, lui, le vendredi 29 septembre. Et pour nous en parler, bien sûr, nous avons Serge Joseph au téléphone. Bonjour. Bonjour. Une conférence musicale. C'est quoi une conférence musicale ? Alors, en fait, cette conférence, c'est pas vraiment les Baladins, c'est la maison de l'histoire de la chanson. Donc, c'est un sujet dont on pourra parler peut-être un peu plus tard. Mais bien sûr. On a combiné, en fait, cette conférence organisée par la maison de l'histoire de la chanson, dont je fais partie, bien sûr, avec le concert des Baladins, puisque les Baladins sont partenaires avec ce projet de maison de l'histoire de la chanson. Voilà, pour la petite histoire. C'est une conférence, c'est-à-dire qu'au niveau de la maison de l'histoire de la chanson, on a prévu des animations mensuelles, alors sous forme de mini-concerts, de conférences, des expositions, des choses comme ça. Donc une conférence sur un thème donné, et là c'est le thème de la composition, de l'inspiration plutôt d'un chansonnier en 2023. Et donc c'est Guillaume Meunier, qui est auteur-compositeur-interprète, qui nous a proposé cette conférence en préambule de son concert qu'il donnera donc le lendemain à la MJC Étoile. Dans de beaux draps. Le titre de son spectacle, voilà, dans de beaux draps. La conférence, l'entrée est libre et gratuite, hein, pour tout le monde peut y assister, bien sûr. Oui. Donc l'idée, c'est que Baboche va nous parler un petit peu de la composition en 2023, de son propre parcours. Et puis, il y aura un échange avec le public. Hein. C'est l'idée qu'il y ait des échanges avec le public. Et puis, il interprétera quelques chansons de son répertoire, donc qu'il donnera le lendemain. Entre deux bulles de BD et un dessin animé, je chanterai ma chanson naïve pour une indécise. Pour présenter Baboche et son univers musical. Alors, c'est un univers particulier. J'ai vu son spectacle. Hein. J'ai trouvé que c'était un univers très intéressant. Il chante à moitié parlé, à moitié chanté, parfois susurré. Et c'est vraiment un univers très particulier avec son batteur. Il faut vraiment le voir, quoi. Parce que j'avais écouté quelques extraits qu'il m'avait envoyés il y a quelques temps. Comme ça, ça ne m'avait pas trop vraiment branché. Puis en ayant vu le spectacle, et puis en plus, il échange avec le public. Donc il explique certaines choses, certaines de ses chansons, parce que les textes ne sont pas toujours comme ça faciles à forcément à comprendre. Enfin, il y a toujours quelque chose derrière un texte, hein, que l'auditeur ne perçoit pas forcément. Alors après, le but, on peut interpréter une chanson de différentes manières en fonction de sa propre sensibilité, quoi. Donc il y a aussi ça dans la chanson. Donc voilà, c'est un spectacle qu'il faut voir, en fait, hein, pour s'en donner une bonne idée. De venir à la conférence musicale, ça permet aussi de mieux le comprendre aussi Ben, je pense, oui, parce que ça permet déjà de cerner le personnage, de savoir, de comprendre qui il est, pourquoi il s'est mis à la chanson, quel est son fil conducteur, quelles sont ses références, voilà. Et puis de l'entendre aussi sur place, bon, ben, ça permettra aussi de... Là, il sera en solo, il ne sera pas avec son batteur pour la conférence, mais voilà, ça permet aussi de pénétrer quelque part dans cet univers-là en ayant quelques clés, justement, d'accès. Donc la conférence musicale, c'est le jeudi 28 septembre, ce sera salle Michel Dinet au domaine du Charmois à Vendeuve à 18h30, et là, c'est gratuit, hein, l'entrée est libre, on n'hésite pas à venir. Et le concert, lui, c'est le lendemain à la MJC Étoile de Vendeuve à 20h30, donc pour son spectacle dans de beaux draps. Donc là, c'est la première date de spectacle pour les Baladins. Qu'est-ce que vous nous avez prévu d'autre aussi ? Est-ce que vous allez aussi proposer des conférences à chaque spectacle ? Peut-être pas à chaque spectacle. Là, il s'est trouvé qu'on a pu trouver cette date de conférence. Il colle avec le spectacle du lendemain, mais ça sera pas forcément la même chose à chaque fois. Hein. Je veux dire, c'est la maison de l'histoire de la chanson a ses propres animations, les Baladins a ses propres concerts. Bon, voilà, après l'avenir, je ne sais pas ce qu'il sera, mais les choses avancent lentement, mais sûrement. Mais nous, on a prévu une programmation pour la saison. Alors, après septembre, on se retrouvera, nous, les Baladins, en janvier seulement, parce qu'au mois de novembre, il y a les rencontres autour de la chanson organisées par la maison l'histoire de la chanson, justement. Donc, on ne rajoute pas. Par contre, on se retrouvera, on a trois dates en janvier, mars et mai, et voilà, avec Lizzie qui sera notre invitée le vendredi 26 janvier. Mm-hmm. Donc, Lizzie qui est une Française, mais qui a un petit peu adopté le Portugal et qui chante français, un peu fado en français. Enfin, bon, c'est là aussi, c'est un univers qui est très joli. Oui. Et puis on aura le Hélène Piris, l'art d'humour, qui égratigne un petit peu, on va dire. Ça sera le 29 mars. Et puis le 24 mai, on a deux artistes, Frédéric Bobin, qui commence à être connu dans le milieu de la chanson, avec Yvan Marc, et qui feront chacun des chansons de leur répertoire et puis des duos. Donc voilà déjà pour un petit coup d'œil sur la programmation de la saison avec les Baladins. Et bien sûr, ce premier rendez-vous le 29 septembre pour le concert de Baboche dans De Beaudras à la MJC Étoile de Vendeuvre, précédé la veille de la conférence musicale. Donc là, c'est organisé par la Maison de l'Histoire de la Chanson. On aura l'occasion sur Fadjet de vous redonner la parole justement pour en parler de cette Maison Histoire de la Chanson. Merci beaucoup Serge. À très bientôt. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.